difunto. Salomo. Catacomba. Assemblage Ruki et C'est Fou 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Pauvre. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Ruki, on reçoit Simon Fittipé et à Cérix, on parle au responsable de la web radio réalité, le local. Assemblage Ruki, Mathieu, ça commence tout de suite. Hey, bonjour et bienvenue à l'émission Assemblage Ruki en ce mardi. Je m'appelle Mathieu Plante, je suis de retour. Eh oui, salut Mathieu. Salut Kiwan. Tu te sens bien là? Je me sens mieux. Tu te sens mieux? Bien est un grand mot, je me sens mieux. Ça, est-ce que ça fait au moins 24 heures que tu te sens mieux là? Alors ça c'est une autre question par exemple, je savais pas que j'ai pas suivi le guide, le petit guide du parfait enrhumé. Parce qu'on voudrait pas être contaminé là, par ton petit truc, là, ton petit virus. Je crois que c'est passé la période de contaminer. Ouais, parce que là, monsieur Judas, c'est juste un petit rhume. J'ai une petite toux. Mais moi, j'ai analysé tes symptômes, Mathieu. Je pense que tu t'es fait H1N1-ifié. Non, arrête de me faire peur comme ça. Ça prend pas grand-chose de me faire peur avec ces affaires-là. Je pense que oui, moi. Puis c'est ce qu'il y a de plus épeurant encore. Quoi donc? T'as probablement contaminé toute la station. Non, je veux pas être coupable de ça en plus. Je vais avoir des morts sans conscience. Alors, tu portes ça sur tes épaules maintenant. Ah, le pire, c'est que je suis venu travailler hier matin. Tu sais, toute pompe. Hein? Ça va bien ce matin, je me sens beaucoup mieux. J'ai animé mon émission hier matin. C'est pour ça que je te soupçonne d'avoir contaminé tout le monde. Ah, ben, calme. Hein? Ah là, c'est ce qu'on va voir cette semaine. C'est ce qu'on va voir si les gens vont tomber comme des mouches au soleil dans la poêle sur le dos de canard. Mais bon, quand même, c'est pas comme tu me disais hier, là, avec un bon suppositoire, ça passe quand même vite. C'est ça, je t'ai dit ça, moi. Donc, pas de problème. Ah, je pensais avoir gardé une petite gêne. Non. Je t'en dis des détails, hein, moi. Bon. Donc, aujourd'hui, dans l'émission Assemblage Ruki, on va recevoir Simon Fittipé qui fait une chronique Paul is Dead sur les mythes du rock'n'roll à chaque semaine. Et cette semaine, il va parler de la Radio Pirate. Ça coïncide avec la sortie du film, là, Radio Pirate. Mm-hmm. Ça va être très bon, ça. On va aussi recevoir dans la chronique technologique scénique, c'est les responsables de la web radio réalité, le local. C'est une espèce de love story audio, mais pour les gens qui n'aiment pas love story, en tout cas, moi, c'est de même que je l'ai vu. Okay. C'est comme Love Story sans la superficialité et sans le paraître, seulement la discussion, mais intelligente. Donc, c'est comme le contraire de Love Story dans un... En tout cas, vous allez voir. Ben, c'est sûr que si c'est une radio, on enlève un peu le côté superficiel visuel. Et on ajoute de l'intelligence, bien sûr. Ah, regardez-nous. Oui. Ben, en effet, il faudrait pas que ce soit superficiel, sinon on serait pas à radio. Hein? C'est sûr que les gens nous écoutent pas pour notre beauté, je pense. Non, mais c'est un plus. C'est un plus. Donc, on va aussi recevoir Émilie Gauthier qui va nous faire sortir un peu avec sa chronique plein air. Tout ça d'ici la fin de l'émission à 17h. Mmh. On va commencer en musique, pourquoi pas. Oui, avec Obijou et la pièce Intro to Seasons. À Assemblage Ruki. Au 89.1 FM. Avec Kiwan et Mathieu. jamais d'ennui, plus jamais d'ennui. Car pour toi, Pélina, je ferai de la pop. Oui, pour toi, Pélina, je ferai de la pop. We'll be right back. La pièce titre du nouvel album de Islands Vapors, on vient d'entendre ça, et juste avant ça, c'était Chinatown avec Penelope. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, et Mathieu, c'est l'heure normalement où tu fais ta chronique technologique CNX, et aujourd'hui, il y a quelque chose de spécial. Oui, mais avant ça, on va partir quand même, y a bien ça. Écoute-moi, bah, un peu. Ben, vas-y. CNX, la Ben oui, à l'intérieur de la chronique technologique CNX, aujourd'hui, on reçoit le réanimateur qui est, dans le fond, derrière le local. Oui, bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui. Super. Merci de me recevoir à C'est fou, c'est un honneur. Ça nous fait plaisir, bien sûr. Le local, donc, c'est la première web radio réalité. Au monde! Au monde! Au monde! Non, mais c'est important de le dire, moi, c'est, en tout cas, c'est une fierté pour moi. C'est ce qui a été le plus long dans toute l'histoire. Les droits sont protégés dans 164 pays. Et on va débuter cette belle aventure au Québec en février prochain. Par la suite, il y aura la France et on verra pour le reste. Donc, en février, ce que l'on recherche pour cette semaine de show, on recherche des internautes, en fait, qui ont une personnalité colorée, charismatique, des gens charismatiques, des gens qui ont un certain charisme et qui ont des choses à dire. C'est ce qu'on recherche donc pour cette première du local. Et le concept en tant que tel, bon, une web radio réalité, ça n'existe pas. Donc, il y a beaucoup d'éducation populaire à faire. Il faut expliquer aux gens ce que c'est exactement. Alors, le mot réalité peut faire peur. Moi, honnêtement, je vous le dis, les gars, je ne consomme aucune télé-réalité. C'est pas ma tasse de thé, mais pas du tout. D'ailleurs, lelocal.ca va carrément à l'encontre. On est aux antipodes de la télé-réalité en tant que telle. Il n'y a pas de jugement qui vont être porté sur l'apparence physique. On va vraiment s'attarder à ce que l'humain a à dire. C'est ce que j'aime de la chose. On va écouter des gens, 6 candidats, 3 gars, 3 filles pendant une semaine. Dans le local, micro ouvert 24 heures sur 24, nous parler. Alors, les gens vont nous parler de sujets qui nous interpellent tous, sujets de la vie tous les jours. Ce n'est pas un divertissement qui est un divertissement cérébral, en fait, qui est un divertissement intellectuel. Donc, Camus et Sartre, c'est intéressant, sauf qu'on ne veut pas tomber dans l'intello, mais on veut quand même des gens qui ont des choses à dire, donc un divertissement qui se veut cérébral quelque part quand même, original et tonifiant. On ne fera pas de trash radio, on commencera pas à tracher qui que ce soit, à bitcher qui que ce soit, à se faire des stratégies pour sortir de là gagnant. Ouais, c'est pas des trucs d'histoire d'amour, de j'ai baisé la veille, etc. etc. Là, non, ben en fait... Nous, on ne demande pas à ce que les candidats soient célibataires, pas en tout. Okay. Nous, on veut seulement des gens colorés, des gens qui ont des choses à dire. Étant donné qu'ils sont dans le même local, il n'y a pas de raccoin, il n'y a pas de spa, il n'y a pas de sauna, il n'y a rien de ça. Il n'y aura pas non plus de stratégie. Il n'y aura pas non. Si on n'en veut pas, c'est à proscrire, ça. Mais est-ce qu'il y a un système de confessionnage, genre, tu sais, une personne va parler à quelqu'un comme, disons, toi, ou est-ce que... C'est tout le monde ensemble. Tout le monde ensemble. C'est vraiment de la communauté. Là. C'est ça. La semaine en tant que telle, la semaine du show, c'est du 14 au 21 février. Ouais. Les 6 candidats, 3 gars, 3 filles, vont arriver le dimanche 14 février en soirée. Bon, on va leur servir des tapas, tout ça, un petit accueil chaleureux. Ils vont faire connaissance. Le réanimateur va leur dire bonjour, va présenter un peu la semaine. Parce que la semaine du show va être vraiment écœurante, je vous le dis. Là. Le contenu, il est pas mal solide. Suite à quoi, ben là, le lundi, ça commence. Il n'y a pas de programmation coulée dans le béton. Vers 8h, 8h30, 9h, il y aura un premier sujet qui sera abordé. Alors, le réanimateur, lui, son rôle, c'est de relancer les conversations et d'agir à titre de modérateur. Parce que si tout le monde parle en même temps et que ça devient cacophonique, on ne sera pas écoutable, ce ne sera pas endurable. Alors, moi, je vais relancer les conversations 4 à 5 fois par jour avec des sujets très intéressants, toujours très intéressants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à 23h, à chaque jour, le sujet va être le cul. On va parler de sexe. À tous les jours, à tous les soirs à 23h, hormis le jeudi où là, ce sera mystère, les phénomènes inexpliqués et tout ça. Tout ce qui gravite autour. Le paranormal. Comment? Le paranormal. Le paranormal. Ah ouais. Tout ce qui gravite autour de l'horreur aussi. Mais tout le reste, chaque soir à 23h, on parle de sexe. Et on aura des personnalités du showbiz, du sport et tout ça qui viendront relancer également les conversations. Il y a Jean Perron qui est confirmé. Jean Perron va venir nous parler, lui, sous le thème « Partir de rien, gagner à Coupe Stanley ». Sydney. Ah. OK, ça, ça peut être intéressant. Ouais. Il y a Meghan Monroe, la superbe Meghan, que vous ne verrez pas, par contre, que vous allez seulement entendre, qui, elle, va nous parler de son extraordinaire aventure dans l'industrie du sexe. Elle, elle s'est promenée aux quatre coins du Canada et même des États-Unis pour présenter un spectacle assez olé-olé. Elle va nous parler de ses expériences. Elle en a eu de nombreuses. Et j'ai entendu dire Roxane Saint-Gelais oui, qui Roxane va être Saint-Gelais. Là. On aime tous Roxane Saint-Gelais. Roxane Saint-Gelais de VTL, qui anime sur le show du matin, sera là. Et on aura également Guy Bourgeois. Guy Bourgeois, c'est un motivateur. Moi, je suis un gars qui se nourrit de positivisme. Moi, le verre est toujours à moitié plein. Et j'aime bien Guy Bourgeois. C'est un gars que je connais bien. Et lui, il a fait une tournée à travers le Québec l'an passé avec Isabelle Huot, la nutritionniste, okay. et José Lavigueur. Lui, c'est le motivateur. T'avais la nutritionniste, t'avais la fille qui faisait la mise en forme, et t'avais le motivateur derrière tout ça. Ils ont fait une tournée à travers le Québec qui s'appelait Kilo Cardio. Alors ça, ce sont les personnalités de confirmer à ce jour. Il y a de gros noms qui restent à signer. On garde le meilleur pour la fin. Et ça, ben, on vous fera parvenir les communiqués pour actualiser, si on veut, là, la programmation. Mmh. Ce qui est intéressant de dire, les gars, c'est qu'au bout de cette semaine-là, le candidat ou encore la candidate qui va sortir grand gagnant, grande gagnante de cette semaine-là, sont les internautes qui votent. Hein, c'est interactif également. Les internautes vont pouvoir interagir avec les gens dans le local. Ben, va repartir avec 10 000 $ en argent comptant. C'est beaucoup. C'est sympathique. Ben oui. Et les cinq autres vont quitter quand même avec 2 500 $ en cadeau, gracieuseté des partenaires. Même celui qui gagne le 10 000, il repart avec son 2 500 $ de cadeau aussi. Ah. Alors pour une semaine, c'est pas pire. Quand même. Et sait-on jamais si ça servira pas de tremplin, là? On sait jamais où ça peut mener, là, cette histoire-là, parce que ça commence à faire parler pas mal. On est en tournée médiatique actuellement à travers le Québec. Et puis, vous allez nous voir dans des émissions qui sont très, très écoutées également prochainement à la télé. Mm-hmm. Donc, on est en train de faire exploser la chose. Et puis, honnêtement, je voulais un concept qui me ressemble. Moi, je veux qu'on me parle. Mais pas juste de la grippe H1N1 ou de Claude Dubois qui fait pas à fil pour un vaccin. Tu sais, je veux qu'on parle de sujets qui m'interpellent. Tu sais, bon, parler de la vie, la mort. Bon, on peut-tu en parler longtemps de la mort? La vie après la mort, ça existe-tu? On peut-tu parler longtemps de la religion, de la politique, le succès, l'échec, la simplicité volontaire, les sujets en voulez-vous en enveloppe? C'est inépuisable. C'est inépuisable. Alors, d'écouter aussi. Vous faites de la radio. Mm-hmm. Je sais pas si vous avez des reportages en direct, des fois, dans un commerce ou quoi que ce soit. Mais moi, j'en ai fait de la radio et j'ai toujours un malin plaisir de me mettre sur le cue puis d'écouter le gars à l'autre bout qui était en attente de faire son prochain reportage. Ouais. Puis qui reniflait, qui râlait, puis qui croisait une ma tante ou un mononcle dans le... « Hey, comment ça va? » Puis d'écouter. Ouais. Ça, c'est du vrai. Ça, c'est du vrai. D'écouter, c'est pas du préparer vraiment. D'avance, c'est du « je te fais ça ». C'est ça. Ouais. C'est pas, y a pas de scénario. Ouais. Sans filtre. C'est en temps réel, c'est du vrai. Les émotions, il va en avoir à tour de bras. Donc, c'est un concept, ben, j'aime à le dire, qui est somme toute assez révolutionnaire à quelque part. Et il n'y a pas d'image. On ne s'arrêtera pas au six-pack du gars ou à la poitrine généreuse de la fille. Là. Ouais. On va les écouter. On va écouter l'humain s'exprimer dans toute sa splendeur. Et c'est la force, je pense, du projet. Donc, sur le plan technique, des petites questions comme ça, dans le fond, ce ne sera pas juste des discussions animées. Là. Ils vont être mic'és, ou en tout cas, on va pouvoir les entendre toujours, là, 24 heures sur 24, 24 heures, même quand ce ne sera pas une discussion animée avec un, tout à fait. Avec un débatteur. Si là. En pleine nuit, exemple, on est tous les trois dans le local, ça ronfle. Bon, il peut y avoir des pets nocturnes aussi. Il peut y avoir plein de choses la nuit. Là. En fait, il y a juste dans la salle de bain là, qu'il n'y a pas de micro. Le reste, il y en a partout. Mais le local n'est pas très grand non plus, donc c'est bien équipé à ce niveau-là. Mais toi et moi, mettons, on se regarde, on prend une gorgée de lait, on jase autour d'une pinte de lait. Ben, on va tout entendre ça. OK. Puis des fois, on peut sortir en pleine nuit. On n'est pas sûr qu'on ne se souviendra peut-être pas qu'il y a des micros. Ça peut donner des sacrés bons moments. Là. Absolument. Ça, c'est clair. Ça va être où, ça, le local, en tant que tel? Le local, il est virtuel. On ne veut pas dire où il sera situé parce qu'on doit se protéger un peu. Là. C'est, mine de rien, il y a bien du travail derrière cette patente-là. Et à un moment donné, on voulait le publiciser. On voulait dire... On va dire où le local sera situé. Puis finalement, ben du côté juridique, on se dit, prends pas de chance, on sait jamais, là. S'il y a une petite folie qui s'empare de la patente, ben on sait jamais ce qui peut arriver. Les gens vont se masser autour du local, puis ça peut venir un peu nuire au show, là. C'est vrai. Puis en même temps, en sachant pas c'est où, ben ça fait vraiment que tu te crées comme un univers. C'est pas nécessairement, c'est Montréalais, ils vont... C'est ça. Donc là, t'es en train de faire des capsules web. En fait, vous êtes en train de faire ça, mais toi, le réanimateur, en tant que tel, des capsules web en ce moment pour donner un petit peu un avant-goût. Tu réponds à des questions des auditeurs. Donc, si les gens ont des questions, ils peuvent envoyer ça sur le site et tu vas répondre en capsule audio. Oui, exactement. Vous avez des questions, peu importe lesquelles. Vous nous faites parvenir votre question. Le réanimateur va y répondre par une réponse audio dans la FAQ, la foire aux questions. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que maintenant, là, tout de suite, là, vous pouvez faire parvenir votre candidature. Oui, c'est ça. Ça, c'est important, là. C'est gratuit pour faire parvenir sa candidature. Ce qu'il faut faire, c'est simple. Vous nous faites parvenir un fichier MP3 d'une durée de 2 minutes maximum, à l'intérieur duquel vous nous dites pourquoi vous feriez un bon candidat ou une bonne candidate. 2 minutes maximum. Nous, évidemment, il y a un filtre parce qu'on ne veut pas nécessairement mettre en ligne n'importe quelle niaiserie. Okay. Mais à partir du moment où on est safe, où il n'y a pas de problème, on met tout ça en ligne et ce sont les internautes qui vont aller écouter chaque audition et qui vont voter de 1 à 5, 1 étant la note la plus basse, 5 la plus haute. Et à partir, la première tranche de votation se termine le 18 décembre. Plus vite vous mettez votre audition en ligne, plus vous avez de chances de vous retrouver dans le top 50 des candidats les plus populaires. Parce que c'est un vote cumulatif. Après le 18 décembre, ça va aller à la mi-janvier. Pour la deuxième tranche de votation, à l'issue de laquelle encore là, il y a un autre top 50. Et finalement, à la fin janvier, le dernier top 50 va nous présenter les 50 candidats les plus populaires. Et ces 50-là, on les rencontre en audition privée. Les auditions qui seront retransmises en direct sur l'Internet. Et à partir de ces 50-là, les 6 seront sélectionnés. 3 gars, 3 filles pour vivre l'aventure. Et pour ceux qui veulent écouter ça, on peut déjà s'abonner pour écouter ça en février. Mais pourquoi est-ce qu'on devrait s'abonner maintenant? Ça a lieu en février. Comment ça fonctionne pour s'inscrire, pour être auditeur de cette web radio réalité? Pour triper dans le local. Évidemment, les gens qui soumettent leur candidature, eux, c'est préférable pour eux, évidemment, d'avoir un maximum de contacts qui vont aller s'abonner pour voter pour eux autres. Ça va leur donner des chances, évidemment, d'être dans le top 50, le fameux top 50. Comment ça coûte s'abonner? Vous allez faire le saut, je vous le dis, vous allez perdre vos dents, là. C'est 9 piastres. OK? 9 $. Oui. Le 9 $ inclut l'écoute de toutes les auditions. Vous pouvez voter pour toutes les auditions. Ça inclut la retransmission en direct des auditions privées. Ça inclut la semaine du show live 24/7 là, de tout accès. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la semaine, mettons une journée, vous n'avez pas eu le temps d'aller écouter, vous étiez débordé, vous arrivez à la maison le soir, les meilleurs moments de chaque journée vont être répertoriés dans une zone de téléchargement balado-diffusion. Ça, j'aime ça. Ça, c'est j'aime l'idée, c'est bien ça. C'est intéressant. Alors, tu peux télécharger ça si tu as de la route à faire le lendemain, tu écoutes ça dans ton char, tu as un bon show. La semaine du show, chaque journée, tu votes pour ton candidat préféré ou ta candidate préférée. Il n'y a pas de frais cachés, genre des 50 sous supplémentaires par vote. Mm-hmm. C'est tout inclus dans le 9 $. Wow. OK. Super. Ça, c'est vrai que c'est pas cher. Pas payé, hein? Pas payé. C'est quoi? Ça pas coûte plus cher que ça aller au cinéma. Ouais. C'est rendu plus que 9 piastres aller voir un film. Oui, il faut que tu manges un peu aussi là-bas. Puis tout, là. Ah, ouais, t'as popcorn, pas liqueur, t'es rendu à 50 piastres. Donc, ça, c'est beaucoup plus qu'une semaine, dans le fond, de participation. C'est la semaine plus les auditions, puis là, ça commence à s'additionner. Oui. C'est long. Si tu mets ton 9 piastres tout de suite, là, je veux dire, t'en as jusqu'à la fin février, parce que 2 semaines après le show, on laisse encore la zone de balado-diffusion accessible 2 semaines après le show. Tu payes ton 9 piastres tout de suite, t'en as jusqu'à la fin février, début mars. T'écoutes toutes les auditions en ligne, tu votes, t'écoutes les auditions retransmises en direct à la semaine du show. Alors, c'est pas cher. Et évidemment, ce qui est intéressant de savoir, là, actuellement, le plus important, c'est les gens qui ça interpelle, ça. Envoyez-nous vos auditions. Oui. Et on sait jamais où ça pourra vous mener. 10 000 pour une semaine ou encore 2 500 en cadeau. C'est pas pire. Puis c'est un méchant beau trip. Ouais, juste pour le trip, ça vaut la peine, je pense. Juste pour le... Ah, c'est ça. Ouais. Le trip. Juste pour le trip, même s'il n'y avait pas de cash au bout, le trip est intéressant à vivre. Mais on met 10 000 pour aller chercher le plus de candidatures possibles. Et les candidatures, on envoie ça où? Vous allez sur lelocal.ca. Lelocal.ca. Tout simplement, vous allez dans audition, envoyez votre audition, cliquez là-dessus. C'est simple. Le principe Pelado, là. keep it simple, stupid. C'est simple. T'envoies ton fichier, puis si ça a de l'allure, ton affaire, si tu dis pas de niaiserie, ben, tu vas être en ligne 2 jours après. Parfait. Donc, c'est lelocal.ca. Lelocal.ca, messieurs. Merci beaucoup. Merci à vous autres, les gars. Le réanimateur. Le réanimateur. C'est... oui, c'est viril comme nom. Merci. Merci, les gars. Bonne chance avec votre projet. Merci. Très intéressant. De toujours à Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées. On va retourner en musique, je pense. Ouais, pourquoi pas. On va l'entendre un groupe que tu aimes bien, que j'aime aussi. Still Life Still. Avec la pièce. Avec la pièce pastel. Ben, dis-moi, les gars. Avez-vous de la patate rose? Oui, j'en ai oui, juste, certainement. Juste à côté, juste là, ouais. Est-ce que tu aimerais en entendre? Je pense qu'on a ça. J'ai écouté ça dans mon char. Il a écouté ça dans son auto? Patère rose, mais je n'adore pas trop. Alors, mettez celle-là, puis ça va me laisser le somme. Parfait. Parfait. On te donne un petit 5 minutes, le temps de marcher jusqu'au sol. Je vais timer ça, je vais calculer le nombre de pas qu'il y a d'ici à où tu es stationné. Puis, merci, les gars. Merci. Merci, bye-bye. Allez, on se sent à la main. Ça, c'est ben du oui. Hey, c'est de la vérité, ça. Tu vois, on cache rien ici, là, gars. Oui, je me tire. On fait un suivi, on vous envoie des communiqués pour la suite. Communiqué. Merci. Identifié par la région. Mais oui, parce qu'il faut s'attacher à un candidat s'il vient de ta région, peut-être. C'est ça. Hein, c'est... Mais oui, on vient, c'est clair. Merci beaucoup. Merci. Bye. Ça, c'était vrai. Donc, ça va ressembler à ça, je pense, le local. Il va, des voix non, comme ça. On dirait du Bernard Adamus. On écoutera du Bernard Adamus tantôt. Tantôt. Mais on va aller écouter la pâte à rose, mais juste avant, Still Life Still, la pièce pastel. Assemblage Ruki et C'est Fou 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Pauvre. Chili! Jessica de la Pater Rose, assemblage requis sur ces fous 89.fm. Oui, c'est, ça, ça jouait spécialement pour le réanimateur même, je dirais. Oui, c'est lui qui l'a demandé. C'est lui qui l'a demandé. C'était vrai! Ouais. On vous rappelle l'adresse pour ceux qui écoutaient tantôt et qui sont intrigués par le concept et veulent aller voir cette web radio réalité. C'est sur lelocal.ca. Sinon, c'est sûr qu'on va en reparler ici. Là, moi, je trouve que c'est intéressant comme concept. On risque d'en reparler. De s'abonner. L'hiver. Ouais, peut-être de s'abonner aussi. On risque d'écouter ça pendant. Peut-être bien. Tu vas peut-être présenter ta candidature aussi, Mathieu. Ah, ça, j'aurais peut-être pas jusque-là, par exemple. Avec ta voix radiophonique, là. Ah, c'est pas parce que tu as une voix radiophonique que tu as des affaires intéressantes à dire avec. Ah, c'est sûr. Hein, regardez-moi. T'en es la preuve vivante. Je dis rien de bon. OK, donc d'ici à la fin de l'émission Assemblage requis, l'émission du retour en pièces détachées, on va recevoir Simon Fitzbé qui va venir nous faire sa chronique sur les mythes du rock'n'roll. Cette semaine, c'est sur la radio pirate. Donc ça risque de fonctionner dans le petit thème de radio et de réalité et de choses qui sont vraies. On va aussi avoir la chronique environnement, en fait, plein air, comme ça, on se promène dehors, hein, avec Émilie Gauthier, d'ici la fin de l'émission. Et Kiwan va être là aussi. Ben oui, je reste là, je reste avec toi, Mathieu. Ah, je bouge pas. En attendant, on pourrait aller écouter les frères Goyette, qu'est-ce que t'en dis? Ah, moi, je pense que je suis un fan des frères Goyette, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Ouais, les frères Goyette, ils commencent à faire des spectacles, un peu, ça a été tranquille depuis un petit bout de temps, puis je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un album qui s'en vient, mais il n'y a pas de nouvelles vraiment d'annoncer, je pense. Mais c'est ça, ils sont assez actifs ces temps-ci, donc on surveille ce qui se passe avec les frères Goyette, et nous, on va écouter Ça craque au soleil, tout de suite. Une pièce de leur précédent album, Minimiser les dégâts, vous êtes à Assemblage requis. Au 89 FM. Fortune en cueillant des fraises dans les champs. Faire rire de moi chaque fois je ramasse de quoi. En penchant, c'est pas de ma faute si j'ai culotte slack. M'empêche pas de travailler. Arrêtez de pitcher des fraises dans le crack. C'est mon cracasse. C'est sûr que c'est plus plaisant qu'il y ait des gros œils au soleil. Hey! J'étais avec le gros Wallace qui focus sur mes vieilles culottes. Il me dit, tu sais, tu devrais faire pareil comme moi, à travailler en culotte pour t'as pas besoin de laver chaque fois. Alors, au pire, t'enlèves la croûte, je l'ai. Wallace, j'y ai, ça passe, ça masque au géo. Soleil, hey, bébé, hey, dans ses coups. Sans même le dire à quelqu'un. Quelqu'un! Allez voir le boss pour le traiter de ce petit pain brun. Oui, m'envoler jusqu'à ma maison. Rip comme un gros moineau, mais je pourrais pas pour une bonne raison. Des culottes au jour, c'est sûr que c'est plus facile courir quand t'as des culottes aux aisselles. Ma belle, 410, demain, je m'en vais à chasse au siffleux. Voilà, je me demande pour y ramener un petit cadeau de Dieu. Justement, j'avais pensé à toi et à ta belle famille. Vous qui aimez les viandes sauvages, on vous ramène deux voyages. Une belle marmotte qui est morte et qui a gonflé sous le soleil. Assemblage requis jusqu'à 17h. À

Ah, pour vrai. Tegan and Sarah avec Hell, c'est sur le palmarès anglophone de C'est fou. Et je crois que c'est rentré au numéro 1, ça, n'est-ce pas? Il me semble que ça a monté pas mal vite, en tout cas. Bref. Attends un peu, veux-tu vraiment le savoir? Oui, hey, faisons encore de la radio-réalité live comme ça. Oh, le gars, il s'en va, puis il marche, puis il trouve le palmarès. Il le trouve pas pantoute. Là, moi, pendant ce temps-là, je me reviens d'abord. Puis là, je clique ici, puis j'ouvre une autre fenêtre avec le site de C'est fou. Là, je regarde dessus, puis waouh, ben oui, c'était Tegan and Sarah numéro 1. C'est de la réalité, ça, hein? C'était moins pertinent comme réalité, pareil. Voilà, je le savais. Mais j'avais trouvé avant que tu me trouves la feuille, fait que merci. Ben, j'ai quand même trouvé la feuille. Ben, t'as quand même réussi le défi, tu sais. Sérieusement, on te donne une médaille. Merci. Non, mais je regardais, tu sais, Kiwan, que j'écoute, je fais un marathon de Conan O'Brien. La fin de semaine? Ben oui, t'écoutes ça tout d'un après l'autre la fin de semaine. C'est ça, les 5 épisodes de la semaine, c'est un talk show de fin de soirée. Ça prend peut-être 3 heures à peu près à écouter ça en long et en large. Souvent, je saute par-dessus la musique, fait que ça sauve un petit peu de temps. Et puis, il y avait Tegan and Sarah lundi passé. Évidemment, j'ai pas sauté par-dessus ça. Quand même, jamais. Super bonne performance. Ça ressemble beaucoup au CD, en tout cas, en spectacle. Je trouve qu'elles sont très, très performantes, très, très enjouées et très sympathiques. Petite comme ça. En spectacle, c'est quoi? Ils ont-tu un band où ils jouent les deux ou ils font juste chanter? Qu'est-ce qui ressemble? Ben, t'es à vue? Oui, ben, en tout cas, moi, j'ai pas regardé s'il y avait d'autres instruments derrière. Il me semble qu'il y avait d'autres mondes qu'eux autres. Okay. Moi, j'ai pas porté attention. Mais elle joue pas, là, pendant qu'elle. Oui, elle joue pendant qu'elle chante. Ok. Tout. Petite guitare, là. Les deux avaient chacun leur guitare. Une mini-guitare, là. Des mini-guitares! Non, mais Conan fait comme 6 pieds 4, là. C'est pour relativiser son possible. C'est pour ça qu'il avait l'air de mesurer 4 pieds, mais non, en fait. Et voilà. Tout à fait. Donc, Tegan and Sarah, leur récent album se nomme Saint Hood. Oui, justement, parlant de récents albums, hein, c'est mardi, d'habitude, c'est la journée des sorties CD. Puis c'est ton bloc préféré, d'habitude. On réussit toujours à trouver quelques trucs intéressants, d'habitude, mais je te dirais que cette semaine, c'est assez rough. Côté nouveautés CD, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés, mais beaucoup de compilations des artistes variés de musique dance ou des albums live de vieux bands. Un nouvel album de Bon Jovi aussi, très intéressant. Yay. Sinon, dans les trucs un petit peu plus peut-être pertinent de Killers avec un album live. Mais ça, c'est des albums live, surtout les albums intéressants. Tu sais, même Jason Mraz, un album live, que des albums live. Il y a Snow Patrol, le groupe anglais Snow Patrol, peut-être pourrait être intéressant. Mais sinon, c'est assez triste. J'avais pas vraiment envie de faire passer une pièce d'un album live. Là, moi, en général, dans la vie, je suis pas un tripeur d'album. Tu sais, sans dire que je suis contre, puis que je partirais un mouvement contre les albums live, je suis pas si tripeur. Tu sais, j'ai toujours l'impression, moi, quand on essaie de me passer un album live comme ça entre deux albums studio, que justement, on essaie de faire ça pour faire étirer le buzz de plus longtemps, puis faire sortir quelque chose, puis faire paraître son nom dans les médias, puis en même temps, tu sais, faire un peu de cash avec du matériel qui est pas nouveau, exactement. Mm-hmm. Là, je sais que plein d'artistes seraient vraiment pas d'accord avec ce que je dis là, puis tu sais, j'en ai même déjà discuté avec des gens qui sortaient des albums live qui étaient vraiment pas d'accord, mais c'est ça, je suis pas non plus un anti-album live, mais bon, ça me fait pas trop triper, donc c'est ça, sais-tu quoi, Mathieu, on n'écoutera pas de musique dans ce bloc-là, ah. On va juste jaser. Ok, ben jase. Non, c'est fait. Non, mais par contre, là, si vous voulez vraiment découvrir un nouvel album, acheter un nouvel album, en fait, qui sort cette semaine, qui n'est pas disponible en magasin aujourd'hui, parce que je pense pas qu'il va être distribué de toute façon, donc vous pourrez pas, probablement jamais, l'acheter en magasin, mais samedi prochain, au Zénob, ici à Trois-Rivières, il y a le groupe de Trois-Rivières, Gilles Cancer, qui lance leur premier album. Et puis, si vous voulez en entendre une pièce, il va en avoir dans l'émission La Dernière Porte à Gauche tout à l'heure. Hein? Tu as vu le lien? Quel lien pertinent. Ah, Zénob, Porte à Gauche. Je rapporte toujours tout à moi. Ah! À mes émissions, La Dernière Porte à Gauche. C'est tout à l'heure, c'est dans environ une heure. Tu vois, moi, je pense tellement pas à toi que j'avais pas fait le lien. Vous pouvez entendre un extrait de cet album-là de Gilles Cancer. Donc, je vous fais patienter un petit peu. Bon, nous passons là. Hey, Robbie Williams aussi a sorti un nouvel album aujourd'hui. Robbie Williams, viens-tu de Robbie Williams? Oui, Madame Doubtfire. Ressemble à James Bond. Okay. Bon. C'est pas Madame Doubtfire. Non. Vraiment pas. Non. Ça, c'est Robin. Ah! Pas puis pareil. Batman Williams. Non. Je connais pas. Non, il n'existe pas. Mais ils sont pas mariés, ils ont pas le même nom, en fait. Batman et Robin. C'est pas le même père, je pense. C'est ni le même père, ni lien de mariage, non, rien. C'est juste des amis. Ah. C'est des colocs. Ah. Bon. Ben, problème réglé. Alors. On peut-tu clore le sujet maintenant? C'était bien. OK. OK. Et on va retourner en musique avec une nouveauté sur le palmarès anglophone cette semaine. C'est un groupe que Maxime nous a fait découvrir il y a quelques semaines, le groupe Hockey avec la pièce Too Fake. Et essayez de ne pas vous imaginer que ça ressemble à du Mika, puis vous allez trouver ça très bon. OK, ouais, tu viens de gâcher le plaisir de tout le monde. Je viens de briser la magie. Je viens vraiment de briser toute la magie. Non, c'est quand même un bon groupe. On écoute Too Fake de Hockey à Assemblage Rocky. C'est un rabat-joie. Vraiment. Vraiment. Pas fun. Et Too Fake. Cette pièce-là, c'est vrai que ça ressemble à du Hot Hot Heat, je suis d'accord. Ça ressemble pas tant non plus à du Mika, mais il y a certaines pièces tout au cours de l'album qui, ouais, sont moins agréables que d'autres. Faudra en écouter d'autres un jour. Mais je veux quand même rétablir l'équilibre, c'est vrai. Cette pièce-là, elle ressemble beaucoup à du Hot Hot Heat et c'est très bon. Oui, cette pièce-là en particulier, elle est une nouvelle entrée du palmarès anglophone. C'est pour ça que c'est dans le palmarès, parce qu'elle est bonne. Oui, et c'est pour ça qu'elle est bonne, c'est parce qu'elle est dans le palmarès. Surtout que tu mets de quoi dans le palmarès, ça pourrait être poche à mort puis ça va devenir bon, ça. Exact. Ça n'a pas vraiment de sens. C'est la fin de la première heure de Assemblage Rocky. Dans la deuxième heure, on va avoir la visite d'Émilie Gauthier avec sa chronique plein air et celle aussi de Simon Fitzbé. Avec ses mythes du rock'n'roll, cette semaine, Simon va nous parler de la radio pirate. en musique, il va y avoir du Ariel aussi dans pas long. Donc, restez là. Ah ouais, Radio Pirate, je sais pas, y a-tu. Tu parles de Guy Jodoin, tu penses, j'aimerais ça. Télé Pirate. Ah! Assemblage Requis et CFOU 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Pauvre. Et salut, c'est la deuxième heure d'Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées en compagnie de Kiwan. Et Mathieu. Et vous. Bonjour. Vous bonjour. Vous bonjour, ils répondront pas. Le vous répond arrête, pas. Arrête de faire ta blague. Non, mais là, c'est pas une très bonne blague. Non, vraiment pas. Est-ce que j'ai des bonnes blagues? Ça arrive. Rarement. Donc, dans la deuxième heure d'Assemblage Requis, c'est l'heure remplie, ou comme certains francophones diraient, une heure pactée. On va voir Simon Fitzbé pour parler de mythes du rock'n'roll, comme toujours. Radio Pirate cette semaine, on l'a dit tantôt, les souvenirs coulent à flot quand on parle de Radio Pirate avec moi, parce que ça me rappelle, tu sais, ça me rappelle Guy Jodoin, ça me rappelle... Christian Bégin, à l'époque où à l'époque où il avait l'air gentil. Kiwan, déplacé. Ah, c'est pas, non, c'était pas fun. Trop pas que des fois, il a l'air méchant un peu. Un peu snob, peut-être. Ouais, peut-être plus snob. Mais pas dans son émission de cuisine. Il a l'air plus comme party, genre. Ouais, c'est vino. Genre, ouais, c'est ça. À drink. Ouais, sympathique quand même. Mais ça va pas réel. Bref, Télépirate, ça nous rappelle Christian Bégin à l'époque où on le voyait à jeun. Probablement ça, la différence. C'est ça. Christian Bégin. Bégin. À jeun. Hey, qu'est-ce qu'on fait, là? On s'entend de la musique parce que c'est vide un peu, là. Ouais, on va entendre Ariel avec la pièce Faux Filet. Ben, tu m'en diras tant. C'est Assemblage Requis. Au 89 FM. C'est feu! Chacun son prix, chacun sa coupe. J'aime ton style faux filet. Ah! shape up if you want to succeed. I don't know about you. Who are they talking to? They're not talking to me. I'm higher than high, lower than deep. I'm doing it wrong, singing along. I'm higher than high, lower than deep. I'm doing it wrong, singing along. Did I ask you for attention when affection is what I need? Thinking sorrow was perfection, I would wallow till you told me. There's no glitter in the gutter, there's no twilight galaxy. Trick, Twilight Galaxy. Mm-hmm. C'est oui. Toujours à Assemblage Requis et c'est le moment maintenant où on n'est plus seul. Toi et moi, Mathieu, on accueille Simon Fitzbay pour sa chronique Police Dead. Wow.

Jusqu'à 17h, Assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est fou, 89.1. Toujours Assemblage Rocky, l'émission du retour en pièces détachées avec Kiwan et Mathieu, sur les ondes de C'est fou, 89.1 FM. Tu sais, Kiwan, oui. Il y a des choses à l'extérieur du studio. Le studio est de boîte, un aquarium, si on veut. Tu sais. Il y a des choses à l'extérieur de ces murs-là. Ouais, ben ça, tu dis ça, mais en fait, c'est des gens qui te l'ont dit parce que toi, ouais. Tu sais pas vraiment. Moi, j'ai pas de preuve, en tout cas. Mais il y a des gens qui t'ont rapporté ça, oui, qu'à l'extérieur de ton bureau et de ton studio, il y avait des choses. C'est ça. Donc, on va en discuter avec Émile Gauthier, sa chronique plein air. J'aurais essayé de faire une intro qui avait de l'allure, mais ça... Ben oui, pourquoi pas. Salut, Émilie. Salut. De retour, Émilie. Oui, de retour. Ça fait longtemps, là. Ça fait longtemps, je me souvenais même plus que j'étais là. Je me souvenais plus qu'il y avait un extérieur, moi, tu sais. C'est pour ça que je l'ai rappelé au monde, là. Tout d'un coup. D'un coup que... Ouais. Tes aventures dentitionnelles, dentifrisquelles. Dentales. Ouais, sont ouais. Terminées. Oui, ça va très bien. Cyrilé, t'as des dents maintenant. Non, j'en ai plus. J'en ai plus, oui. Mais t'en as d'autres. Ouais. Bon, ça vient compenser pour. Ouais. Ah, beau sourire. Merci. Superbe sourire. Donc, aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on parle, Émilie, dans ta chronique plein air, dis-moi? On parle de dernières activités, de secours, de fin de saison. Pré-saison d'hiver. Bref, j'ai eu de la misère à vous trouver des activités cette semaine parce que toutes les saisons d'automne sont finies, puis les saisons d'hiver... Toutes les saisons d'automne. Toutes. Il n'en reste plus, là. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Puis, ben, il n'y a pas de neige encore, fait que j'irai pas faire de la raquette dans la boîte. Non, mais ce matin, par contre, j'écoutais Claudine Duville avec son émission à RDS. Elle faisait du ski dans roche, par contre, avec des roulettes. Du ski de fond avec des roulettes. Faut vraiment vouloir faire du ski, hein, pour... Ouais. Je pense que je vais continuer à faire de la randonnée pour un petit bout. Ouais, c'est une autre suggestion. Faut pas en faire, moi, pour l'instant. Mais Claudine, c'est une excentrique, là, c'est pas de sa faute. Excuse-moi, continue. On va la pardonner, c'est correct, t'as le droit. OK. C'est un beau mot. Je me suis centrée un peu sur Shawinigan, parce qu'il y a quand même le parc national de la Mauricie en ce coin-là, donc il y a beaucoup quand même exploité, mais comme je disais, tout finissait le 31 octobre ou quelque chose, fait que... Surtout que l'Halloween a fini, c'est comme tout le monde a peur, puis tout le monde on sort plus. On sort plus jusqu'à temps qu'il y ait de la neige. Ça n'a aucun sens, c'est ça. Mais en même temps, moi je trouve que, je ne vais pas intervenir dans ta chronique, mais je trouve que c'est justement une des plus belles périodes, justement le parc de la Mauricie, puis là je veux pas vendre de in, là, puis je ne veux pas non plus qu'il y ait des représailles contre moi, là, mais moi je trouve que la période où le parc est fermé, c'est la meilleure période. C'est super tranquille, il n'y a pas personne, ça ne coûte rien pour rentrer en plus. En plus, ça ne coûte rien. C'est légal, ça. Puis oui, il y a des employés qui travaillent, puis tu leur fais des high five en passant, là, c'est légal pour vrai, mais c'est gratuit. Puis c'est juste qu'il n'y a pas de personnes qui travaillent là qui font des activités, les activités avec il n'y a pas d'animation, pas de lifeguard, il n'y a pas d'animation, c'est ça, pas de lifeguard. Non, je pense pas. C'est un casse-croûte, c'est tout ce qui importe, on sait. Mais je pense que c'est fermé à ce temps-ci. J'irai pas. Mais les sentiers sont encore là, eux, par exemple. Ils les roulent pas. Ils les roulent pas l'hiver, non. Ils sont pas balayés en dessous du tapis de l'entrée. Non. Bon, donc commencer par parc de l'île Melville. J'avais trouvé un bel endroit d'herbétisme, mais bon, c'est fermé. Mais dans ce parc-là, il reste quand même qu'il y a des forêts, il y a l'île Melville, puis il y a l'île Banane. L'île Banane! Puis il y a une montagne d'environ 70 mètres d'altitude. C'est pas une grosse montagne, j'appelle plus ça une butte, mais... c'est quand même... Il y a la rivière Saint-Maurice à côté, fait rendu en haut de la petite butte, ça donne un paysage intéressant. L'hiver, on peut faire du ski alpin, ski de fond, raquette, glissade sur tube, mais... Pas de suite. Ça s'en vient, mais c'est pas de suite. Je peux le plugger tout de suite. Des fois que le monde doit prendre des notes. Mais Shawinigan, c'est au nord. Il doit être à Aveuil, eux autres, par exemple. Voilà. C'est vrai que c'est loin, hein? Il va avoir l'hiver avant nous autres. Ben oui. C'est au nord, puis c'est en altitude en plus. Ça arrive, là, l'hiver là-bas. Mais c'est vrai, le parc, là, il se situe vraiment au centre, au plein centre de Shawinigan. Fait que moi, je pas très loin. Que, ouais, c'est pas... Mais non, c'est pas loin. Puis je pense que c'est encore payant, par exemple, à ce temps-ci de l'année. C'est environ 10$ par personne. Ben ça va plus être l'hiver. Mais ce temps-ci, je pense que c'est quand même gratuit. Là. J'ai pas trouvé d'informations. Qu'est-ce qui était vraiment payant, c'est qu'est-ce qu'il y avait besoin de remonte pente. Mais sinon, je pense que c'est gratuit. OK. On peut aller sur illemelville.com pour en savoir plus. Voilà. Et se renseigner. D'accord. Voilà. le parc Étienne Bellemare maintenant. C'est vraiment tout petit. C'est vraiment un petit sentier, moins d'un kilomètre. Fait que c'est vraiment pas gros. C'est, ça donne une petite vue sur la rivière Saint-Maurice. Il y a un belvédère, il y a une aire de pique-nique, donc on peut apporter notre lunch. C'est un lieu vraiment que je conseille plus pour une petite famille, par exemple. Là. Moins d'un kilomètre, c'est pas très gros, on s'entend. Là. Ou pour les paresseux. Ou pour Mathieu. Bon, on aurait pu juste en dire paresseux. C'est sous-entendu dans paresseux. Ouais. Ah, OK, je le dirai pas là-bas. Tout ça. Fait que c'est à côté de Shawinigan. Shawinigan, c'est dans le secteur Saint-Jean-des-Piles. Ah. C'est pas très loin de Shawinigan. Donc ça, c'est le parc Étienne Bellemare. Oui, mais il n'y a pas de site web, par exemple. Je ne suis pas sûr, mais je pense que j'ai comme une image là, du parc Étienne Bellemare, puis je pense que c'est l'endroit où il y a des carottes fluo qui sortent du sol. C'est des gens qui ont déjà passé à ce genre des piles, okay. C'est sûr que vous avez vu. Et c'est naturel ou... Non, c'est de l'art moderne. Ah. C'est un parc où il y a une espèce d'installation permanente là, d'art un peu bizarre avec... Ouais, il y a des carottes fluo qui sortent du ouais, sol. Ouais, j'ai cru voir quelque chose art moderne, mais je me suis dit que ça ne nous concernait pas. Non, c'est ça, ça fait pas partie du thème plein air. Mais je serais curieuse d'y aller juste pour ça. Ouais, quand vous passez dans le village à Saint-Jean-des-Piles, vous n'avez pas le choix de le voir, ça saute aux yeux. OK. C'est spécial. C'est des lapins fluo aussi? Non, mais il y a des petits chevreuils avec des branches pour les bois. C'est vrai, tu me regardes. Des, mais... des quoi? Des branches pour les bois? Sur leur tête pour faire les bois du chevreuil. Okay. Non, tu iras voir, Mathieu. Ouais, là, hein. C'est particulier. OK. Là, on revient au Parc national du Canada de la Mauricie. Parc national de la Mauricie. Ouais, j'en avais déjà parlé, mais comme on vient d'en parler comme tout de suite, c'est gratuit, c'est beau, c'est le fun. C'est une belle température encore. Juste aujourd'hui, on était tellement bien dehors. Uh-huh. C'est parfait comme température pour aller marcher. Puis j'ai trouvé un autre sentier, autre que ceux dont j'avais déjà parlé. C'est le sentier de la Cache au lac du Fou. Ça nous offre un télescope qu'on peut observer plusieurs espèces animales comme le renard, l'ours, le lièvre et tout plein de sortes d'animaux. L'Émilie Gauthier, des fois, quand elle y va, quand tu vas là-bas. Ben oui, pourquoi pas. C'est ça. Sauf que je pense pas que je suis un animal à observer. C'est un mammifère. Je pense. Bon, je pense qu'on s'aventurera pas là-dedans. C'est ça. Bon. Fait que, pour les vrais fans de camping, c'est encore disponible. C'est disponible à l'année. Donc, si vous voulez faire du camping, mais vous êtes pas game encore d'en faire avec de la neige, c'est le temps encore. Il fait froid, mais il fait pas moins 40. On pourrait dire ça aux gens, juste, t'es pas game, puis là, ils vont finalement y aller, à un moment donné. Si tu dis aux monde qu'ils sont pas games. Bon, ben, vous êtes pas game d'aller faire du camping. Mathieu est pas game. Pas game. Non, mais pour apprivoiser le camping d'hiver, c'est vrai que c'est une belle température. Tu sais, on est capable de dealer avec le froid sans être dans la neige, puis être obligé de mettre des bottes, puis. Ça se fait. C'est une belle initiation, disons. Mm-hmm. Voilà. Le sentier Jacques Buteux, maintenant. Oui, c'est situé à Grande-Pile. C'est un petit peu plus loin que Shawinigan. C'est une section du sentier national. Le sentier national, c'est un sentier qui part de l'Ontario jusqu'au Nouveau-Brunswick, je crois. Il est en section encore. Il n'est pas complètement construit, mais il est en construction. Donc, le sentier Jacques Buteux, c'est une section de tout ça. Il surplombe la rivière Saint-Maurice encore, puis il s'en va dans une forêt. La première partie du sentier, c'est quand même un bon défi physique pour les randonneurs. C'est rough, là. C'est rough. Mais rendu en haut, t'as une vue vraiment magnifique. Là. J'ai vu des photos, puis ça vaut vraiment la peine. Mais c'est ça, faut être capable de le faire. Puis après ça, ben il y a des petits lacs, des petits ruisseaux, des petites chutes. Puis encore une fois, il y a plein d'animaux à observer là-bas. Fait que c'est un sentier d'environ 13 km. C'est niveau intermédiaire, par contre, c'est pas tout le monde. Si vous commencez pas là, c'est certain. Commencez avec peut-être l'autre de moins d'un kilomètre. Mm-hmm. C'est environ de 2h30 à 4h, tout dépendamment de votre rythme. Donc, c'est ça. Puis le stationnement et l'accès au site est gratuit. Ah, pas pire, ça. On va terminer avec un petit conseil de vendeuse dans un magasin. Insérez votre propre magasin de vente de vêtements et de souliers de plein air et de choses plus de plein air que tu peux acheter, blablabla. Voilà. Bon. Ça a l'air niaiseux, mais les raquettes, ça se vend vraiment vite. Les skis de fond, un peu moins, mais je dirais que si vous avez l'intention de faire du sport cet hiver, commencez tout de suite à faire vos achats parce que ça part vraiment vite. L'année passée, il y a manqué de raquettes. On en a vraiment manqué en stock, puis même avant que la neige arrive. Donc, commencez à magasiner plus sérieusement votre équipement si vous voulez en faire cet hiver. Puis est-ce que c'est le bon temps pour faire des bonnes affaires, faire un deal, mettons? Là, sûrement pas, hein, il me semble. Ils doivent vraiment monter les prix pendant que les gens en ont besoin. Là. Ben non, pour de vrai, il y a souvent des promotions. Ça dépend du magasin, j'imagine. Là, mais il y a quand même des bons deals, si on veut. Des fois, il y a des promotions, t'achètes la raquette, t'as les bâtons de marche qui viennent gratuitement, ou faut regarder, là, mais commencez à magasiner votre stock si vous voulez faire beaucoup de sport cet hiver. Mais ça vient en paire, les raquettes, hein? T'as les deux ensemble, là, OK. Donc ça, c'était ton conseil de vendeuse dans un magasin quelconque pour vente de sport plein air. Voilà. C'était chic. C'est pas un conseil de maman, cette fois-ci? Non, c'est non. Ça, conseil de vendeuse. T'en as pas pour moi un conseil de maman, là? J'ai besoin de conseils de maman. Ben, si tu fais du plein air, apporte un sac pour pas jeter tes déchets dans la nature. Ah, très bon conseil, ça. Ouais. Comme quand tu vas promener ton chien. C'est ça. T'amènes ton sac. Mais là, c'est que tes déchets à toi. C'est ça. Pas obligé de faire ça, en tout cas. Sans entrer dans les détails, hein. Okay, non, mais pas juste pour tes déchets corporels, Mathieu. Tes déchets aussi, ouais. OK. Tu sais, si tu manges ou tu prends une collation. Comme... C'est de ça que je parle aussi. OK. Quand mais... tu manges, tu... Mais tu peux quand même rapporter aussi tes déchets corporels. OK. D'accord. Donc, voilà. Donc... voilà, merci. Attends, je vais juste refaire. C'était mon effet sonore de fin de chronique. Ah, OK. Merci beaucoup, Émilie Gauthier. Mais ça fait plaisir. Avec sa chronique plein air tous les mardis comme ça en fin d'émission. À la prochaine. Bye. Kiwan? Oui? C'est presque la fin d'Assemblage requis déjà. Hey, déjà, ça a passé vite. Presque. Moi, j'ai envie d'aller m'entendre une petite pièce de Mimi Von Der Glo. Est-ce qu'on peut l'entendre nous aussi? Non, je veux juste la mettre juste pour moi dans mes écouteurs et puis toi, ben, t'écouteras d'autres choses. OK. Voici une pièce de circonstance peut-être. Parce que sûrement que le soleil est quand même là, même s'il commence à faire noir. Avec les rideaux, je vois pas s'il fait soleil dehors. Fait très noir, je dirais. Fait très noir, bon, ben, c'est. Voici Soleil de la Rive-Sud et ça filtre pas du tout. De l'assemblage requis jusqu'à dans une dizaine de minutes environ. T'as manqué à ta promesse manifestement. Je suis le monde de couch, j'enjambe les pavés dans le salon. Ramasse dans les corps morts, mets du casse dans ton char. Les portes sont barrées, les clés sont restées sur le dash. Sur la 40, les cheveux dans le vent. Sur la 40. Disparu des sièges depuis longtemps. Que j'aurais dû quitter cette ville qui a brûlé et brûle encore une fois de temps en temps. Quand les jeunes font du hache avec du nafta, où toute la ville décide. Je brûle les boules au vent, tu fais des crises de beaux arbres à Noël cette année. Le long de la route, le sapinage brûle. Ici, tout le monde se trouve beau, se donne des tapes dans le dos. See you. Mimi Vanderlo et Soleil de la rive sud d'Assemblage Requis. Hey, c'est ce qui termine déjà l'émission? Oui, c'est la fin. On se retrouve demain, évidemment, à 15h pour une autre édition, avec, entre autres, la participation de Sébastien Dulude. Oui. Sébastien va être là pour ses suggestions culturelles alternatives, comme à chaque mercredi. Et est-ce nécessaire de rappeler avec une blessure au cœur que François sera pas là demain parce qu'il sera plus avec nous? C'est vrai, moi j'ai su ça hier en écoutant Assemblage Requis, c'est ça, pas là. T'étais absent, mais oui, c'est ça, j'ai annoncé ça hier à nos auditeurs, François nous quitte, mais on espère peut-être qu'il pourra revenir un jour, c'est parce qu'il est occupé avec ses fonctions à la GE. Ben oui, on le regrette, mais on apprécie ce qu'il a fait pour nous depuis le début de la session, alors merci beaucoup, oui, François. Tout à fait, mais Sébastien va être là, lui, demain. Et il va y avoir aussi une production NX, puis comme oui, d'habitude. Bien sûr. C'est Kiwan qui va rester avec vous pour la prochaine heure à partir de 17h. C'est la dernière porte à gauche. Oui, il va y avoir une émission assez chargée aussi aujourd'hui à la dernière porte avec plusieurs nouveautés. Il va y avoir entre autres du La Maladresse, Jésus les filles, Presque oui et plein d'autres trucs. Ben, ça va être presque bon, ça. Dans quelques minutes. C'est dans quelques minutes, oui, à la dernière porte à gauche. On va se quitter avec la musique de You Say Party, We Say Die et There Is Love Within My Heart. Allez voir assemblagerequis.com pour savoir tout sur l'émission d'aujourd'hui et pour télécharger les balado-diffusions. À demain, Mathieu. Bonne émission, Kiwan. Merci. When the morning comes and I don't wanna face the daylight. When the morning comes and I can't make my body rise. When the morning comes and the darkness presses on all sides. When the morning comes, I have to fight. things out.